100% francês com Ricardo de Matos. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do 100% Francês. Excelente fim de semana. Começamos desta vez no Canadá, mas ao fim e ao cabo só mesmo pela nacionalidade desta voz. Diane Terre, já que este tema faz parte de uma equipa, dá nome à ópera musical La Légende de Jimmy e passou também pelo Canadá, mas teve origem em França. E continuamos no Canadá para a primeira estreia desta semana, Tu trouveras 10 ans de succès. É o primeiro best-of de Natasha Saint-Pierre e, tal como o nome deixa adivinhar, vem mesmo a propósito dos seus 10 anos de carreira. Para além dos sucessos que já eram de esperar, acrescenta este original, L'Enchanté. Je te mets au défi de t'oublier. t'arrive à tracer un chemin qui te plaît, à poser tes valises et remettre la crise à plus tard ou qui sait, à tout jamais. Je te mets en défi de me retrouver, I'm

italienne, rouge vermillon. Je suis une fille à réaction. À toute berzingue, je brûle, je carbure. Suis une fille hydrocarbure. Un rêve bastringue. Estamos no 100% francês, à toute berzingue. Muito obrigado, Enzo Enzo, por esta pequena boleia. E se tivéssemos de dar boleia aos próximos convidados, era necessário um autocarro e daqueles bem grandes. A equipa dos Les Enfoirés traz já a sua versão do original dos Kiss. Está a fazer muito sucesso este Si l'on s'aimait si. Changer le monde, changer le cours des chances et des peines perdues. Ce soir, on voudrait bien pouvoir répondre à qui souffrent en silence, qu'on les a entendus. Céder mais sans céder over la tentation de nos bonnes consciences. L'espoir, c'est de s'aimer, surtout s'aimer. Ce qui résiste au poison des indifférents. Francês, com Ricardo de Matos. qui m'échappe. Ça m'a tenu quelques nuits éveillées, le cœur en écharpe. Cigarette après cigarette à la chaîne, grillée à la hâte. Et dans le film qui se joue dans ma tête, des lumières éclatent. Certezinha absoluta que já não se lembrava deste Lelac, tem já 10 aninhos este tema de Gilles Caplan. Avançamos com a segunda estreia desta semana, ela é de origem chilena e chama-se Sylvie Garcia. As voltas que a vida dá, levou-a até a França e agora dá-se a conhecer no mundo da música como Jeanne Ali e com muito sucesso, para já através deste Je me perds. Je fais comme si tout était. Je doute sans cesse, me délaisse, me déteste. J'ai besoin de me tester, je suis prête à risquer le peu qu'il me reste. Je briserai mes pensées pour torturer mon âme. Je me servirai de ma haine comme une arme. Je veux tout tenter, je manque d'espace, je veux tout changer, bousculer.

des hommes pareils. Des hommes pareils. J'aime mieux ce monde polychrome où nous sommes. Des hommes pareils. J'aime mieux ce monde polychrome où nous sommes. J'aime mieux ce monde polychrome où nous sommes. Des hommes. Hommes pareils. Já há algum tempo que não ouvíamos por aqui um dos temas fantásticos do álbum de Francis Cabrel, Des Roses et des Orties, ainda o seu último de 2008. E agora queimamos a última estreia desta semana com um estreante nestas andanças. O próprio terá consciência disso mesmo, já que batizou o seu primeiro trabalho de Chapitre 1, mas que por outro lado é também um sinal de esperança para futuros capítulos. Esperemos então para conhecer então no 100% francês L'Aveu de Wilfred Covin com Gaël Bussuel. Je crois que sans toi mes idéaux s'en vont, comme le temps qui passe dans une de nos chansons. Je crois que sans toi je me sens lasse, je ne tourne pas rond, je tombe et me ramasse, et je chiale pour de bon. Je crois que sans toi y'a mon corps qui se noie, mort à l'océan qui n'écoule que le temps. Je crois que sans toi la vie me perd, et j'oublie qui j'étais échoué sur la terre du désert que tu sais. Mais quand vient le soir, toi seul peux savoir que ces mots qu'on qui me rongent sont ainsi mes espoirs et des rêves et réveiller une songe. Offrir des mots à nouveau et me cueillir la fleur de peau. Je crois que sans toi ma vie fout le camp, et mes songes se meurent dans un espoir d'entendre. Je crois que sans toi, je suis le néant, une douleur infinie, un vide élégant, dans l'écho de ta vie. Mais quand vient le soir, toi seul peux savoir que ces mots qu'on tu me ronge sont ainsi mes espoirs, aider mes rêves et réveiller mes songes. Je ne sais même plus de quelle foi je crève, moi qui me consume dans le feu de mes rêves, où le manque de toi n'existe pas, dans l'audace de mes nuits, où ton corps et mon lit sont associés nos voix. Mais quand vient le soir, toi seul peux savoir que ces mots qu'on qui me rongent sont ainsi mes espoirs, éclairer mes rêves et réveiller mes songes. Offrir des mots nouveaux et me cueillir à fleur de peau. Viens, je vais te faire. fr.blogspot.com.

pas dit aux oiseaux que tu les aimais pas. J'ai pas réveillé les corbeaux qui n'attendaient que ça. Méfie-toi l'escargot. J'en ai perdu des combats, mais j'ai gardé dans mon cerveau quelques traces de toi. Qu'il y a des paroles qui tuent, qu'il y a des refrains qui remuent, qu'il y a du bruit dans la rue. Je sais bien qu'à la fin c'est toujours pareil. Je sais bien francês. Parabéns a Billy Crawford, faz hoje 28 anos. Just